Chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, a fait un débat ou un thème sur ce sujet. Le diable, celui dont tout le monde parle, mais que personne connaît. La réalité, c'est ce qui rend mon neurone instable quand je débite au MIC. Une ferveur dévouée, sorte de vénération envers ces mots connectés. Ils m'appellent en visuel, viennent toujours à la même heure m'envahir. Le soir tard dans mon lit m'attire, m'inspire. Contrairement à cette écume des vagues séchant sur le récif, je veux pas être passif et subir. Je veux agir, prendre le contrôle de mes désirs, pour pouvoir un jour subvenir à mes besoins comme chacun. Je veux juste être libre dans ma tête au lieu d'avoir l'impression d'être un assassin. Alors je dessine ces signes et décide que rien ni personne ne fera repartir en vrille. Que ce soit Marilyn Monroe par son nom de jeune fille ou qui que soit d'autre, j'ai le défaut d'être incorrigible dans ces lignes que j'écris. Car pour nous les mots sont un langage imparfait. Merci à vous de m'avoir donner la clé. J'essaye de m'élever dans le but que je m'élève, de savoir pourquoi pas ainsi lire sur les lèvres d'enlever ce pare-feu qu'ils instaurent depuis toujours dans mon cœur, dans mon corps, qui fait que nos âmes à présence meurent. On en devient malheureusement pour eux beaucoup plus fort, et c'est ça qui dérange, qui fait que certains sont dans l'inconscience ou même parfois dans la démence. En bref, dans tout ce que vous pourriez qualifier d'étrange, certains disent que les grands esprits se rencontrent, se racontent des choses en passant par l'esprit. Sans les mots, l'impact est beaucoup plus fort. Ce n'est plus du tout le même ressenti, la même manière de vivre, de voir ce parcours, le décor qui t'entoure et d'entreprendre ta vie. C'est ça qui je pense nous lie, aujourd'hui nous rapproche pendant que d'autres se divisent. Qui fait que nous au moins on avance dans un même état d'esprit. Nos vies ont un sens, une envie commune de faire bouger les choses. Qui fait qu'on se comprend, qu'on s'entraide, qu'on apprend par nous-mêmes. Grâce à cela on s'entend, pourtant tout ce qu'on fait c'est donner sans jamais rien attendre. En retour pour moi voici la plus belle preuve d'amour. Bien sûr qu'on s'attend à ce que beaucoup de gens ne comprennent pas ceci, n'admettent pas que ceci soit possible. Pourtant on a fait que suivre pour vous dire, on supporte beaucoup mieux ainsi. On supporte beaucoup mieux toutes ces choses qui vous arrivent. Vu qu'on comprend, on ne peut pas vous en vouloir. C'est encore trop tôt, mais plus tard, pour la plupart, vous constaterez par vous-même qu'il ne tenait qu'à vous de savoir, d'avoir le savoir, que tout ça est au fond de nous-mêmes. Qu'elle a bien fait les choses en sorte qu'on entende ses appels à l'aide. Maintenant, à vous de voir qui tient vraiment les rênes, qui est le maître suprême et qu'est-ce qui est réel. Pourquoi et qu'est-ce qui fait que les gens saignent, ils s'aiment pendant que d'autres ont la haine. Je constate par moi-même que ce n'est qu'une question de équilibre, qu'elle me rappelle alors pour que j'amène ces mots, qu'elle m'a fait ressentir ces mots, ces visions, toutes ces choses que je n'explique d'aucune autre façon que pour mettre au jour sa vraie nature, son âme. C'est l'homme, finit son instinct animal, attiré par la fuite, formaté dans ce but, c'est normal et c'est ça qui m'affole. Chacun a un chemin à suivre, le mien c'est de parvenir à ce que l'être humain se délivre de lui, des autres et de ce qu'il ennuie par sa force d'esprit. Arrêtez de vous pourrir la vie, au fond ce qui m'écœure, m'exaspère, c'est la même chose que vous, même si pourtant on préfère l'amour à la guerre, au pouvoir, à l'argent et à toutes ces choses qu'on insère dans vos cœurs, dans le cœur des gens. Tant de gens ne s'en sont jamais relevés. Regarde à l'état d'embryon, même pas encore né, déjà dans l'obligation d'être résigné. Subir son triste sort déjà jeté, au départ accoutumé à ce qu'il avait entouré pendant 9 mois. Avec l'orgueil, l'hésitation, il préfère rester là-bas. Contraint d'avoir été conçu, il ne voulait pas sortir de cet utérus. Un fils fait par conception, prénom de sa mère, cher à ses yeux, il était perplexe. Ne voulait pas sortir par son sexe. Contrainte d'être délogée d'un univers parallèle, ses voies pour vortex. Une césarienne, ne jamais faire dans le traditionnel, est devenu son quotidien. Une fois qu'enfin devenu certain, le fait d'être arraché du sein de cette contrée, aujourd'hui agité, toujours à bouger, déménager, ses déplacements sont venus s'immiscer à sa vie déjà troublée. Cause d'un travail charné, de l'un de ses parents, des mœurs différents, toujours vouloir le meilleur pour ses enfants. Mais à l'adolescence, c'est sûr qu'on comprendra jamais ces choses sans sens. C'est dommage d'ailleurs, mais c'est le prix de l'innocence.